croche à la vie. Mes bottes sont cramées dans tous les domaines. J'ai tout pour être heureuse mais je suis jamais satisfait. J'ai du mal à dormir la nuit. Maman, j'ai trop d'ennemis. Dis-moi pourquoi tu t'esquives quand je viens pour leur faire la bise. C'est toi qui cherches les problèmes. Pourquoi vous revenez à 10? Évite les problèmes, voilà. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Ça nous mène, je vois plus le bout du tunnel. Quoi que je dise, quoi que je fasse, on juge sans me connaître. J'ai plein de problèmes, mais je souris. Marre de voir mes potes souffrir. Trop de jeunes cagoulés gantés. Rêve d'une ville à s'offrir. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou.